Les championnats du monde, c'est dans 2 semaines, mais vu qu'avec Benoît, on est impatient et qu'on peut pas attendre, on va déjà se projeter en rappelant un peu les, voilà, des dates importantes des championnats du monde. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, très très bien et toi? Bah très bien, petit retour avec après une pause d'une semaine. En ce moment, pas grand chose à signaler puisque bon, on a fait le choix de pas parler des jeux du Commonwealth puisque avec Benoît, on a déjà l'esprit tourner vers les championnats du monde, donc 2022, qui auront lieu du 22 au 28 août à Tokyo, donc comme les Jeux Olympiques. Et si on va faire une preview pour vous présenter les tableaux, les enjeux, les favoris, c'est pas l'enjeu de cet épisode d'aujourd'hui, puisque Benoît, comme on l'avait fait, je crois, pour les Jeux Olympiques, là, on a décidé d'aller voir un peu dans le passé, et... Bah, même si le passé des mondiaux est assez récent, puisque c'est une compétition qui existe, entre guillemets, que depuis 77, il y a quand même pas mal de choses à dire. Oh, il y a beaucoup de choses à dire, et je peux te dire même qu'il y en a qui doivent encore en faire des cauchemars quelques années après. Voilà, donc on s'est un peu replongé dans les éditions passées avec Benoît, et on a chacun marqué... on va dire les dates et les faits marquants pour nous, en fait, genre un peu en se disant, quand on pense championnat du monde, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Et donc, bah, on va en parler ensemble et essayer de vous rappeler un peu ce que sont les mondiaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en message privé quand vous aurez écouté cet épisode ce qui sont les faits ou les dates marquantes des Jeux Olympiques pour vous, des championnats du monde pour vous. Puisque vous allez voir qu'on ne peut pas être exhaustif et parler de tout. On a choisi 3-4 trucs chacun. Donc évidemment, on ne peut pas tout couvrir. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Benoît, je vais te poser une question très simple. Quand tu penses mondiaux de badminton, quel est le premier match, le premier fait, le premier joueur qui te vient à l'esprit? Question peut-être de génération. Écoute-moi, le premier truc quand on a décidé de faire cet épisode... Je me suis rappelé du titre de Marquis Kido et Indra Sechawan en 2007. Seth Wynn to serve. This time, had it drilled on his head. Not this time. Finals day started with a win for Indonesia and it ends with a win for Indonesia. Voilà ce qui m'est revenu tout de suite à l'esprit. Pour moi, c'était vraiment le truc quand je pense aux mondiaux. Ah ouais, bah c'est marrant, moi c'est pas le premier truc qui vient. Bah dis-nous pourquoi, s'il te plaît, je t'en prie. Alors bah déjà parce que c'est les tout premiers mondiaux où j'ai commencé à voir des images de bad, en fait, et c'est forcément générationnel. Il y a vraiment quelque chose de sentimental, de particulier, et peut-être que des gens qui ont 10 ans de plus que moi me diront oui, bon, c'était un titre comme un autre, et ceux qui ont 10 ans de moins que nous diront ouais, bon, ok, pour nous c'est la préhistoire du bad, peut-être, mais pour moi c'était quasiment la paire ultime. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé pour Marquis Kido qui est décédé il y a maintenant un peu plus d'un an, je dirais, ça a pris peut-être encore plus de sens, en fait. Puisque oui, Indra Sechawan, on sait que c'est une grande légende, mais c'est vrai que pour moi, ce titre mondial de cette paire qui a tout gagné, c'était assez incroyable. À cette époque-là, je pense qu'on peut le dire, les monstres, c'est Kaifu, clairement. Mon seul regret, finalement, dans cette semaine-là, c'est qu'il ne joue pas Kaifu. Maintenant, ils battent quand même un certain Li Yongde en finale. Je pense que beaucoup ici le reconnaîtront. Mais c'est vrai que voilà, pour moi ce titre, c'est peut-être ce qui a lancé aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis autant le bad international. Mais pour moi cette paire, elle avait un côté paire ultime, en fait, avec deux joueurs tellement différents et tellement complémentaires. Enfin moi vraiment, j'ai regardé des matchs et des matchs d'eux, c'était ouf. Et pour moi cette finale mondiale, c'était peut-être plus même que leur titre olympique, c'était encore plus fort. Bah en tout cas, t'en parles très bien. C'est vrai que... Bah, maintenant, on associe plus, forcément, on associe plus Endra Setiawan à Mohamed Hassan, son partenaire Bien sûr. Avec qui il en a gagné 4 ensuite. Non, avec qui il en a gagné 3, pardon, 2013, 2015, 2019. Mais c'est vrai que le partenaire avec qui il a, on va dire, percé sur la scène internationale et avec qui il a gagné le Graal ultime, c'est-à-dire les Jeux Olympiques en 2008, t'en as parlé. C'est Marquis Kido, et c'est vrai que bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le double homme est associé très fortement à l'Indonésie depuis, on va dire, de tout temps. C'est pas cette paire qui a révolutionné ça, mais elle a clairement prolongé, on va dire, l'héritage de mecs qui étaient venus avant, comme Gunawan et compagnie, tu vois. Enfin, Ouais. et c'est vrai que ce titre mondial, je pense qu'il a une saveur très particulière, puisque l'Indonésie l'avait pas gagné en double homme depuis 2001. Et c'est vrai qu'à l'époque, Kai Fu, qui ont gagné celui d'avant et les trois d'après, étaient la paire. Bah, un peu imbattable, quoi. Et c'est vrai que même s'il les joue pas, t'as raison, et que les Chinois perdent avant, le fait que Kido Setiawan gagne ce titre, et que moi je dirais que le titre olympique est encore plus fort, parce que les Chinois sont à domicile, ils sont archi favoris, ils sont en finale et ils perdent. C'est là qu'on a vu que Kido Setiawan, c'était vraiment une paire qui était destinée à rentrer dans l'histoire, même si après ils se sont séparés, que Kido il a joué avec Gideon et que Setiawan a joué avec Hassan, avec le succès qu'on connaît. C'est vrai que t'as l'impression que ce titre de 2007, c'est le départ de quelque chose, quoi. Et je suis Clairement. d'accord que c'est un truc assez fort. Ouais, Marquis Kido, quand même, qui est un. Tu l'as dit, je relève une phrase que tu as dit un truc du genre si différent et si complémentaire. C'est vrai que il a un jeu plus différent, il avait un physique et un jeu plus différent de celui de Setiawan que les Hassan, par exemple, même si c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais. Et c'est vrai que c'était un petit. Enfin, c'était assez incroyable à voir jouer quand même. Hein. Bah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est. Enfin, tu te dis que c'est un. J'ai envie de dire un spécimen, parce que des joueurs comme ça, avec son gabarit, qui ont été et qui seront aussi forts, est-ce qu'on en aura un jour, tu vois? C'est vraiment tellement. Il est tellement atypique. C'est difficile d'imaginer. On peut penser à un Aaron Chia aujourd'hui, tu vois, qui Ah aurait bah un peu ce c'est profil-là. exactement ce que j'allais dire. Ouais, C'est voilà. exactement ce que j'allais dire. Pour ceux qui ne voient pas, Kido, il faisait 1m68, donc ce qui est assez petit pour un joueur de Ouais. BAD. Il était très, très carré, très costaud. Et donc assez. C'est pas un joueur assez fin et élancé comme peuvent l'être pas mal de joueurs de BAD. Et Aaron Chia, pour moi, c'est exactement ce profil-là. Ouais, je trouve ça intéressant. Donc, pour l'instant, loin d'avoir le même succès. Vous Clairement, ouais. l'aurez peut-être compris si vous écoutez notre podcast. Mais je suis d'accord que c'est ce genre de joueurs se font assez rares, quoi. Take that. Je sais pas si je peux te retourner la question, du coup, de savoir, toi, qu'est-ce que c'est alors finalement qui t'a marqué quand on te dit mondiaux, et quand on a discuté de tourner cet épisode, qu'est-ce que c'est le premier souvenir qui t'est revenu? Bah, tu l'as peut-être vu, puisque je l'avais écrit sur le doc qu'on partageait. C'est le truc dont je voulais parler. C'est alors en fait, au début, j'avais juste écrit le match de 2013 entre Lindan et Li Chongwei. Alors, je vais peut-être parler un peu d'abord de cette finale où là, on a vraiment l'impression que ce match c'était un peu une tragédie grecque, quoi. Donc Li Chongwei et Lindan se retrouvent en finale. Donc même finale que l'année d'avant aux Jeux Olympiques et qui a 2 ans aux Mondiaux. Mais là, le scénario il est ultra cruel pour Li Chongwei. En plus, on a vraiment l'impression que c'est Li Chongwei qui arrive en numéro 1 mondial, qui est en tête de série 1, qui paraît tout puissant, et Lindan qui a fait un peu du tourisme après sa victoire au JO, sa deuxième victoire au JO, qui arrive avec une wild card. Il est pas tête de série et finalement il se retrouve en finale. Li Chongwei gagne le premier set, Lindan gagne le deuxième, Li Chongwei mène dans le troisième, avant d'être un peu rattrapé par son corps. Lindan s'offre une remontée, Et alors qu'il mène 20-17, donc bon, la victoire était de toute façon, je pense, acquise pour le Chinois. Li Chongwei ne peut pas continuer. De toute façon, les 3-4 derniers points, il avait du mal à marcher. Et après, il y a cette image que vous avez peut-être vue ou que je vous conseille, où on voit Li Chongwei qui peut plus se lever, Lin Tan qui va le voir. Et c'est une image assez forte. Et cette image, en fait, c'est vraiment l'image de Li Chongwei qui est accroupi, qui se soutient avec sa raquette, et de Lin Tan qui passe sous le filet pour aller le voir. Comme tu me dis mondiaux, c'est le premier truc auquel je pense. Et Benoît, avant que je parle un peu plus de Li Chongwei au mondiaux, qu'est-ce que ça... Ouais, j'imagine que ça t'évoque aussi beaucoup de choses, cette finale de 2013. Ouais, il me semble qu'on en avait parlé. Je sais plus si c'est dans l'hommage à Lin Dan ou à Li Chongwei qu'on avait fait au tout début de notre podcast, de 21 Shuttle. Et on avait parlé, il me semble, de cette finale en disant que c'était peut-être le match le plus mémorable, finalement, de cette rivalité. Voilà ce que ça m'évoque. Clairement, c'est ça. J'ai été triste pendant tellement longtemps pour Li Chongwei parce que pour moi c'était le joueur ultime, et même s'il a pas eu les titres, j'ai pas changé d'avis avec Li Chongwei, tu vois. Et pourtant, je pense que là, on peut largement dire que c'était probablement Lin Dan le joueur ultime finalement. Mais ouais, c'était beaucoup de tristesse cette finale pour moi, surtout que j'ai pas les scores de mémoire parce que j'avais pas travaillé, j'ai pas parler de ce match, mais il me semble qu'il perd quelques sets, mais globalement il torpille deux ou trois mecs du top 10 mondial, je crois, à Li Chongwei. Et quand il arrive en finale, je sais pas ce qu'on se dit, mais moi c'était, elle est pour lui celle-là en fait. Et à la fin de ce premier set, on se le dit évidemment encore plus. Quand tu dis torpiller des mecs du top mondial, tu fais peut-être référence à Tommy Sugihara, qui a mangé 6 et 9 en quart de finale. Ouais. Donc voilà, même si il galère un peu plus, Li Chongwei, il perd un set contre le chinois Du Pengyu en demi. C'est vrai que son parcours est impressionnant, et bah à ce moment, en fait, ce match il est assez fou parce que 2013, c'est la dernière fois que, en fait, on se dit bon, Li Chongwei, il peut encore en gagner. Ça, je vais en parler. Mais on se dit aussi, ouais, Lin Dan, il peut aller plus loin, et c'est finalement son dernier titre au Mondiaux en 2013. Ça fait quasiment 10 ans que Lin Dan a gagné son dernier titre au Mondiaux. Et je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, on aurait pu se dire qu'après, il y en aurait eu d'autres. Et en fait, c'est déjà un tournant, je trouve, dans leur rivalité, parce qu'après ça, Lin Dan, lui, il va plus gagner, on va dire, de titres vraiment majeurs. Alors par titre majeur, je veux dire mondiaux plus Jeux Olympiques, alors que Li Chongwei, lui, il va encore en perdre des finales, et c'est ça qui est assez terrible. Ouais, c'est ça, c'est que quand on, à l'issue de la finale, on se dit bon bah ok, Lin Dan il est reparti en fait, et finalement on n'avait pas bien peut-être lu le truc, mais c'est clairement un tournant en fait dans la carrière des deux, cette finale, clairement. Ouais, voilà, je voulais en parler plus globalement de Li Chongwei, puisque c'est quand même un mec qui a perdu 4 finales des mondiaux consécutivement. Donc 2011 contre Lin Dan, 2013 contre Lin Dan, on vient d'en parler. L'année d'après, Lin Dan, cette fois, n'a pas de wildcard, donc ne joue pas les mondiaux. Li Chongwei, il arrive en finale contre un autre chinois qui s'appelle Chen Long, et il perd encore. Et en plus, contre Chen Long, il prend 19 et 19, et il y a ce truc de ce genre de match. J'en ai revu des extraits où t'as l'impression que Li Chongwei joue contre un mur en fait. Il y a cette même image en finale des Jeux Olympiques en 2016. Donc Li Chongwei perd sa troisième finale consécutive. Il arrive l'année d'après et il se retrouve encore contre Chen Long, et il perd encore en 2-7, et cette fois il est encore plus loin de la gagner, et il va se passer la même chose aux Jeux Olympiques l'année d'après. C'est terrible quand même. Donc Li Chongwei qui perd Mondiaux 2011 contre Lin Dan, JO 2012 contre Lin Dan, Mondiaux 2013 contre Lin Dan, Mondiaux 2014 contre Chen Long, Mondiaux 2015 contre Chen Long, JO 2016 contre Chen Long. 6 ans et 6 finales, 6 finales perdues contre 2 joueurs chinois. C'est quand même assez terrible, et c'est ce qui fait, enfin moi c'est ça, c'est là que je, enfin c'est ce à quoi je lui, ce, cette personne à qui je pense quand je pense aux mondiaux, je pense tout de suite à Li Chongwei. Je me suis dit c'est dingue, c'est une folie qu'il en ait pas gagné. Ouais, non mais c'est clair, c'est une folie parce que la longévité est telle que c'est assez improbable qu'il en gagne pas. Maintenant, je pense clairement que c'est, pour moi, cette finale de 2013, c'est celle qu'il aurait dû gagner. Parce que Chen Long, je pense que Li Chongwei avait moins les armes pour battre Chen Long que pour battre Lindan. Puis Chen Long était plus jeune, Li Chongwei un peu plus vieillissant. C'était plus compliqué, mais il a raté ses chances contre Lindan. Clairement, la vérité, c'est ça. Ouais, mais ce qui est en plus terrible, c'est que même, je suis d'accord, Chen Long, il avait moins les armes, mais il l'a quand même battu plusieurs fois. J'ai regardé, oui. Entre cette période, on va dire entre 2014 et 2016, il l'a battu plusieurs fois en finale de tournoi, l'Indian Open de mémoire ou un, d'autres tournois. C'est juste que quand ça arrivait, bah, il y a forcément un truc mental, hein, de toute façon, avec Li Chongwei, je suis pas le premier, je pense, à le dire, et il avait, je pense, une sorte de blocage, et ça s'est clairement senti. Surtout, je pense, bon, par exemple, en 2013, il est trahi par son corps, mais en 2014-2015, il arrive, je pense qu'il est plus fort que Chen Long, et pourtant, il perd deux fois sans prendre un set, quoi. Donc, c'est assez, assez terrible. Et voilà, et après, bah, pour Li Chongwei, 2015, ce sera le début de la fin pour les mondiaux, puisque voilà, 2017, bon, après 2017, il tombe au premier tour contre un joueur au sommet de son art qui s'appelle Brice Leverdez, donc il n'a rien pu faire. Et après c'était terminé puisqu'il n'a pas joué, les autres. Mais ouais, c'est quand même un peu triste parce que même si moi je suis pas un grand supporter de Li Chongwei, le fait qu'il en ait jamais gagné, c'est quand même assez terrible. Aimez-vous le badminton? Ah non, il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Benoît, on a fait longtemps sur ça, mais en même temps, on ne pouvait pas parler des mondiaux sans de Li Chongwei, Lindan ou Chen Long. De quoi tu veux me parler maintenant? Bah écoute, c'est un hasard, je sais pas, mais je viens de me rendre compte que mes deux prochains faits marquants étaient de la même année que celui dont on vient de parler. Bah alors, j'ai le même alors. Peut-être. Je le dis et on voit si on a le même alors. Bah j'imagine que tu vas parler de Thaïlande un peu. Je vais parler de Thaïlande, évidemment. Parce que j'ai eu un poster, c'est peut-être le seul poster que j'ai eu dans la chambre de mes parents pendant peut-être 10 ans, c'est celui de Ratchano Quintanon après son titre de 2013. It's gone, mate! The 18-year-old from Thailand, the youngest ever world champion, the first ever world champion from Thailand. What a moment! C'est exactement ça de que je voulais parler aussi, mais vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi tu veux en parler? Parce que c'est fou, honnêtement, en 2013, je pense que moi je suivais pas encore le circuit junior comme aujourd'hui je peux le suivre et l'aimer. Pour moi, elle arrivait de nulle part, c'était une ovni, elle était triple championne du monde junior, je crois, à l'époque. Ouais. Mais elle était quatrième mondiale, mais finalement pas trop de trucs de ouf sur le circuit, tu vois, encore. Un seul titre chez les seniors, je crois, quand elle arrive à Intanon à 18 ans au Mondiaux. Ouais, elle fait quand même finale au All England cette année-là, tu vois, mais c'est le tout début de Intanon. Enfin, je veux dire, elle arrive, quoi, on s'attend pas à ça. Et c'est, en termes de qualité de jeu, de ce qu'elle propose, c'était un ovni. Et limite, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, on n'a jamais vu ça dans le badminton, dans le simple féminin, en fait, cette proposition de jeu. Et je pense que je vais faire une petite dédicace à Sylvain, pour qui faisait des photos à l'époque avec nous pour un autre média, mais je pense que lui aussi, enfin, je veux dire, en la voyant jouer comme ça cette année-là, je pense que beaucoup en sont tombés amoureux, et c'était ouf ce qu'elle a proposé, franchement, c'était fou. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que autant où 2013, je trouve que c'est un peu la fin d'une époque en simple homme avec du coup le dernier titre de Lindan. Mmh. Autant en 2013 au simple dame, c'est le début d'une autre, puisque victoire d'Intanon à 18 ans. J'ai revu du coup la finale contre Li Shuerei, on va en parler un peu. Mmh. Où Gil Clark précise que elle était encore éligible cette année-là pour jouer les championnats du monde junior. Donc et elle ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que elle a trois titres de championne du monde junior. Elle pourrait en avoir plus, hein, si elle les avait joués. Mais elle a préféré être championne du monde tout court. Donc, c'est incroyable. Alors, il y a plein de choses à dire, je trouve. D'abord, oui. Effectivement, elle arrive, elle a fait une finale au All England, elle est triple championne du monde junior, on l'a dit, elle a déjà gagné un titre ou peut-être un peu plus chez les seniors. Donc, c'est pas la joueuse qui sort de nulle part. Tu l'as dit, elle était tête de série 4, donc on va pas refaire l'histoire. Par contre, je pense que effectivement personne ne la voyait gagner, surtout parce que à cause du trio chinois, à savoir Wang Yi'an, Wang Xixian, Lu Shuri, qui étaient les trois meilleures joueuses quasiment du monde à l'époque, mais qui étaient elles aussi, je trouve, en fin de parcours. Donc c'est pour ça aussi que je dis début d'une époque, puisque fin de la suprématie chinoise, à ce moment-là, les Chinoises en simple dame avaient gagné 17 des 21 titres de championne du monde en simple dame, dont les 8 dernières éditions. Et depuis 2013, elles n'en ont gagné 0. Donc c'est vraiment ce titre d'Intanon, en plus contre une Chinoise, c'est vraiment qui était championne olympique en titre à ce moment-là, c'est vraiment un gros gros tournant dans le simple dame moderne, je trouve. Ouais, et ben justement, tu fais bien, c'est un des points aussi qui m'a marqué, c'est que pour moi, Li Shuihui, après son titre de 2012, je me souviens peut-être avoir écrit un article en la surnommant l'héritière. Pour moi, Li Shuihui, c'était vraiment ça, c'était celle qui était promise finalement à prendre deux JO, 3-4 titres mondiaux. Pour moi, c'était vraiment elle et c'était pas Wang Xixian, la prochaine c'était Li Shuihui et elle avait 22 ans en 2013, je crois. Elle est pas si vieille que ça, même aujourd'hui. Bon, voilà, elle a eu cette grave blessure au genou qui a fait que sa carrière, malheureusement, n'a pas pu continuer. Mais en fait, ce jour-là, c'était le jour où Li Shuihui aurait dû devenir championne du monde parce que ça lui était promis. En Chine, c'était clairement c'était la prochaine grande star chinoise. Enfin, et je pense que ce jour-là, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui ont basculé, même pour elle, tu vois. C'est vrai. Pour vous dire, à l'époque... Quand elle est championne olympique, Li Shuihui, elle a que 21 ans. En relisant pas mal de trucs sur elle, quelque chose que j'avais totalement oublié, c'est qu'elle n'avait pas le classement pour aller aux Jeux Olympiques de 2012, puisqu'elle était quatrième chinoise dans la hiérarchie. Et les coachs chinois croyaient tellement en elle qu'ils l'ont mis à la place de Wang Xixian, qui était pourtant mieux classé. Et elle a été championne olympique, donc elle leur a donné raison. Et à l'époque, ils misaient tout sur elle. Au final, elle perd cette finale des mondiaux. Derrière, elle perd à nouveau en finale des mondiaux contre une certaine Carolina Marin, dont on va entendre pas mal parler en simple dame après. Et ensuite, plus de titres majeurs. Elle se fait les croisés aussi contre Carolina Marin aux Jeux Olympiques 2016. Et après, elle n'aura jamais réussi à revenir. C'est assez dingue quand même, parce que tu te dis, on aurait pu Li Shuihui, on aurait pu en prendre pour 10 ans, et finalement ça montre aussi que le simple dame est un tableau extrêmement compétitif, parce que c'est dur de garder sa place quand tu l'as, quoi. Ouais, c'est ça, Li Shuihui, je pense qu'on s'est dit que ça allait être une dynastie, en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé, je pense que la Chine a pensé pareil, et on a aussi pensé ça à l'issue de cette finale avec Intanon, on s'est dit putain, exactement, elle a 18, c'est là que je voulais en venir 19 aussi. Piges. Bah ouais, et aujourd'hui, regardez son palmarès sur Wikipédia, et ben c'est son seul grand titre, puisque Intanon, hormis peut-être qu'elle a gagné les championnats d'Asie, je l'ai pas sous les yeux, mais à part ça, il y a pas de jeux d'Asie, il y a pas de JO, il y a plus de mondiaux. C'est depuis 9 ans, c'est quand même une traversée du désert assez terrible dans les grands championnats. C'est exactement là où je voulais en venir, parce que autant Li Shuihui, je trouve qu'en plus, je pense que mentalement, ça a dû être un peu compliqué. D'ailleurs, on le voit sur ce match contre Intanon où elle mène 19-12 dans le premier set qu'elle perd finalement. Mais Intanon, on s'est dit, là, elle a tout. Elle a 18 ans. C'est une joueuse qui est très intéressante à voir jouer parce que son style de jeu est ultra beau. C'est ultra efficace. Elle est championne du monde. Et en plus, mentalement, elle est ultra costaude puisqu'elle gagne contre la championne olympique en titre en la mangeant un peu au mental. Et derrière, effectivement, elle a gagné des championnats d'Asie contre Li Shuihui en 2015. Mais derrière, il y aura une seule médaille mondiale, une médaille de bronze en 2019. Effectivement, pas de titre majeur, et on l'a souligné quand elle a gagné le Malaysia Open récemment, c'est très rare de voir Intanon à nouveau en haut. Alors, je l'ai dit, il y a le simple dames, c'est compliqué. Et en plus, quand tu revois ces mondiaux 2013 à l'époque, c'est aussi donc révélation Intanon, mais il y a aussi Sindhu qui bat Wang Yihan, je crois, ou Wang Xixian, qui fait une grosse perf. On commence à parler de Tai Tsuying qui perd, je crois, en quart. Il y a Carolina Marin qui perd en quart contre Intanon, et on commence à se dire, tiens, cette joueuse espagnole, elle n'a pas seulement un gros mental, elle est pas mal forte. Et je pense que ça peut expliquer ça aussi, c'est que Intanon, je pense, était la plus... celle qui a explosé le plus tôt entre toutes les joueuses que je viens de citer, mais sur la durée, c'est peut-être pas la meilleure. C'est probablement vrai. Techniquement, aujourd'hui, on peut débattre de ça. Je pense que techniquement, c'est probablement une des meilleures, si ce n'est la meilleure, avec Tai Tsuying. Mais effectivement, je pense que ça suffit pas. On l'a peut-être vu avec d'autres, hein. Je pense là tout de suite à Li Chongwei dont on a parlé. Techniquement, c'était peut-être un des plus forts, mais ça suffisait pas. Et Intanon, souvent, c'est son corps qui lui a fait défaut parce que physiquement, c'est pas la plus solide. Quand t'as des Carolina Marin qui sont des monstres de travail et des monstres de physique à côté, Intanon, c'était pas la joueuse la plus complète, en tout cas. Ouais, ça, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez évident. Benoît, est-ce que je te pose une question, est-ce que Intanon, tu la revois gagner un titre comme championne du monde ou championne olympique? Elle a que 27 ans, sa carrière, elle est loin d'être finie. Est-ce que tu penses qu'elle elle peut encore, ou que maintenant c'est plus possible et qu'on se souviendra d'elle surtout pour son titre en 2013? J'aurais aimé te dire que oui, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'aujourd'hui, il y a des joueuses très très jeunes, et même celles qui sont de sa génération, à mon avis, sont encore plus capables de le faire. Donc je pense que malheureusement, on se souviendra de son titre de 2013. J'espère qu'il y aura d'autres médailles, mais j'ai du mal à imaginer un grand titre sur des mondiaux, des JO ou même des Jeux d'Asie. Et est-ce que toi, tu partages ça, ou tu penses que justement ces derniers mois où on a vu qu'elle a un peu progressé là-dessus, tu penses qu'elle peut quand même aller chercher un grand titre? Non, j'y crois pas trop. En fait, elle est assez constante, donc pour moi, il faut un petit alignement des planètes pour qu'elle fasse médaille ou même un titre, tu vois. Il faut que Marine soit blessée, Tai Tsuying soit pas en forme, que les Japonaises non plus, et que Sindhu ait pas décidé de mettre ses habits de mondiaux où elle est super forte, tu vois. En fait, il faut plus une défaillance des autres plutôt qu'une grosse perf de sa part, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et je pense qu'elle déçoit rarement quand même, tu vois, elle arrive rarement en touriste sur des mondiaux, mais je pense que ça suffit pas pour qu'elle aille au bout. Donc voilà, je conclue juste en disant que c'était la première médaille d'or pour la Thaïlande, tout tableau confondu. Désormais, il y en a une deuxième, puisque pour Varanokro, Thairathan Achai ont apporté une deuxième en 2021. Mais donc, vous imaginez bien que c'est pas un hasard si Benoît et moi, sans se concerter, on en a parlé tous les deux, parce que ça fait bientôt 10 ans, mais c'est du bad, on va dire, un peu plus moderne, où on peut en parler puisqu'on connaît mieux les joueurs, et c'est pour vous dire aussi à quel point c'était un truc de fou à ce moment-là. Look at this, look at that. Benoît, quel est ton troisième et dernier point? Alors déjà, je vais te poser une petite question et après je te répondrai. Est-ce que pour toi, les mondiaux de 2013 au Guangzhou sont peut-être les mondiaux les plus fous? Alors je vais pas dire de l'histoire parce qu'on est quand même jeune, mais est-ce que c'est les plus fous au moins des 15 ou 20 dernières années? Alors là, tu me poses une colle. En tout cas, je dirais que rien qu'avec les deux finales de simple dont on vient de parler, c'est quasiment tout en haut, et j'ai l'impression que tu vas nous parler d'un autre tableau, peut-être le mixte, Benoît? Peut-être le mixte, effectivement. Ce jour-là, où je ne l'expliquerai jamais, Chou et moi ne sont pas devenus champions du monde. It's gone out! I can't believe it! Liliana Natsir creates history! The first player ever to win three World Championship mixed doubles titles. They saved two match points against the world number ones. Ils étaient chez eux, ils avaient des volants de match face à Ahmad Natsir ce jour-là. Le retournement de situation, je pense que je l'expliquerai jamais, mais ils ratent deux volants de match et c'est assez fou parce qu'ils étaient chez eux, parce que c'est une paire qui a toujours eu du mal à gagner des grands titres. D'ailleurs, il n'y a aucun grand titre, il n'y a que des finales en grand championnat. aux JO, aux Mondiaux, aux Jeux d'Asie, aux Championnats d'Asie, mais jamais de grand titre pour Schumma, alors qu'ils ont été numéro 1 mondiaux, et d'ailleurs, sur ces mondiaux, ils sont numéro 1 mondiaux quand ils arrivent. Enfin, Zhang et Zhao ne sont pas là, enfin en tout cas, ils ne sont pas en finale et pas dans leur partie de tableau, et encore une fois, Schumma était finalement, je sais pas, destiné à jamais gagner, peut-être comme Li Chongwei, mais avec une domination moins importante pour moi ce jour-là, c'était pour eux en fait. Et je vais pas dire qu'ils ont gâché leur carrière, parce que leur carrière elle est ouf, mais ouais, ce jour-là c'était évident que ce titre il aurait dû être pour eux devant leur public. Ouais, bah j'ai rien à dire, c'est je suis d'accord, et finalement, à ce moment-là, on ne sait peut-être pas encore ce que ça va être Amann Nathir, parce que même si on connaissait déjà Liliana Nathir, ensuite ils en ont, puisqu'elle avait fait médaille d'argent, pardon, au JO de 2008. Derrière, ils seront encore, et elle était déjà double, il me semble, oui, double championne du monde avant, en 2007 et 2005 avec Widianto. Derrière, nouveau titre en 2017 et surtout titre olympique en 2016. Mais je suis d'accord, c'est vrai que en Chine, dans un tableau qui était pas mal dominé par les Chinois, en plus avec le scénario, on a vraiment l'impression que c'était tout était cauchemardesque pour les locaux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis voilà, il y a tellement d'anecdotes sur ce tableau, parce que c'est vraiment un tableau qui m'a marqué. C'est que Amann Nathir, ils ont une semaine, mais c'est un truc de malade. Enfin, ils jouent Li Shou de Hong Kong, dont on a parlé récemment dans un épisode, qui était même pas tête de série au troisième tour. Ils battent Ayakawa Matsumoto, qui sont quand même aujourd'hui dans leur tableau respectif, je pense, des légendes de ce sport, on peut le dire. C'est eux qui battent Zhang Nan et Zhao Yunlei en demi. Enfin, c'est la semaine de Amann Nathir, elle est ouf. Mais en même temps, je me souviens de Schumma. Il me semble qu'ils mettent 5 et 5. Attends, 4 et 4. 4 et 4 à Matosiak Ziba, qui sont dans le top 10 mondial à l'époque. Et je me dis, mais ce titre, enfin, vraiment, Schumma, il ne peut pas leur échapper. Pour moi, c'était impossible, malgré la semaine de Amann Nathir. Et ouais, en fait, c'est vrai que peut-être, ils étaient déjà numéro 3 mondiaux en Amann Nathir, mais c'est peut-être là qu'on s'est rendu compte de ce qu'ils allaient donné pendant quasiment 10 ans après, quoi. Ouais, et en plus, Schumma, on en avait parlé récemment, je crois qu'on avait fait la comparaison avec la paire actuelle Wang Huang, où on se disait, en fait, à l'époque, c'est pareil, il y avait deux paires chinoises qui étaient très très fortes, et finalement, dans l'histoire, c'est Zhang Zhao qui vont largement plus rester, c'est eux qui sont légendaires et qui ont gagné tous les titres importants. Et on s'est dit justement, en gagnant cette finale de JO 2021, Wang Huang se sont évités un destin à la Schumma, quoi. En fait, et je suis d'accord que s'ils avaient gagné ce titre de champion du monde, alors c'est un petit peu moins prestigieux que les Jeux Olympiques, mais Shu et Ma, ils auraient pu, on va dire, beaucoup plus rester dans l'histoire. Et même s'ils auraient eu un palmarès moins garni que Zhang Zhao, on se serait plus souvenu d'eux. Et ils ont eu des volants pour le faire et ils n'ont pas réussi. C'est ça qui est assez terrible, en fait. C'est que finalement, du coup, ils n'ont jamais gagné un des deux titres majeurs du badminton mondial. Et du coup, ils resteront toujours dans l'ombre de l'autre paire chinoise. Bah, c'est exactement ça. Et la comparaison, elle est tellement juste avec Wang Wang. Et il y a eu ce titre mondial de Wang Wang, mais je sais pas ce qui se passera dans les 10 ans à venir, mais on est tellement sur une rivalité similaire. Pour moi, Wang Wang, c'est pas forcément la paire des deux dont on se souviendra malgré ce titre olympique, tu vois, mais on se dira toujours eux ils ont gagné, alors que Schumma, clairement, ils ont jamais rien gagné. Et sans faire offense à qui que ce soit, Wang Wang en plus ont gagné au moins deux championnats d'Asie, je crois. Donc il y a quand même un peu plus de palmarès et une capacité à être plus solide, on va dire, dans les moments importants et dans les grandes finales. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que je comprends pourquoi t'en parles, et c'est vrai que du coup ça rend ces championnats du monde 2013 assez fou. Et surtout qu'après, c'est marrant, ça, je trouve aussi, il y a 2014-2015, à part en double homme, où il y a eu deux paires différentes qui ont gagné, sinon il y a eu, on peut dire, des petites séries de victoires. Chen Long qui gagne deux fois, Marine qui gagne deux fois, Tian Zhao qui gagne deux fois en double dame, et Zhang Zhao, on en parlait, qui gagne deux fois en double mixte. Et du coup, j'ai quand même envie de savoir, parce que juste pour ces mondiaux 2013, si vous vous souvenez pas, j'ai posé la question à Ewan, parce qu'en vrai, je vais pas en parler, et je pense qu'Ewan non plus, parce qu'on risque de changer d'année, mais le podium du double homme, c'est Hassan Setiawan, Bo Mugunsen, Kai-Fu et Kim Kim. Donc, imaginez un peu la tête de ces mondiaux en Chine. C'est aussi pour ça que j'ai posé la question à Ewan, même si je savais ce que j'allais lui dire derrière. Alors Benoît, tu parles de podium. Où tu nous amènes? Bah justement, pas là où c'est tout tu penses. J'ai failli parler de des Mondiaux 2005. Anaheim. Ouais, parce que en simple homme, le podium c'était Taufik Hidayat, Lin Dan, Li Chongwei, Peter Gadeu. Là, si on avait une machine à remonter dans le temps, j'aimerais bien y aller. Mais j'ai choisi de pas en parler puisque j'avais déjà parlé du simple homme et certains des joueurs qui étaient sur ce podium. J'ai choisi de parler de l'année d'après, mais de changer de tableau, puisque je vais aussi te parler de double mix, Benoît, et te parler de la victoire des Anglais, Robertson Helms. Aïe, aïe, aïe, bien sûr. England can celebrate gold and silver, but it is a personal triumph for both Robertson and Helms. Pourquoi j'en parle? Bah en fait, c'est tout simple. C'est que des victoires européennes, alors déjà des victoires européennes, il y en a un peu plus maintenant, mais si on regarde dans l'histoire des mondiaux, il n'y en a pas beaucoup. Des victoires anglaises, il y en a encore moins. Il y avait, je crois que l'autre, la seule autre, c'est ouais, Nora Perry et Jane Webster qui avaient gagné en 80 en double dame, mais bon, on va dire que c'était il y a longtemps et c'était pas comparable. Alors que, en fait, 2006, donc Nathan Robertson et Gail Helms, les Anglais, qui gagnent, et non seulement ils sont champions du monde, mais en plus ils sont champions du monde en battant d'autres Anglais en finale, à savoir Anthony Clark et Donna Kellogg. Parce qu'en fait, 2006, ça paraît pas si loin finalement, puisque il y a quand même pas mal de joueurs qu'on connaît dans beaucoup de tableaux qui jouaient déjà. 2006, c'est aussi la première année où le scoring actuel a pris place. Donc voilà, on n'était plus en 15 points, on était en 21 points. Et pourtant, Benoît, même si ça paraît proche, ça paraît à la fois tellement loin que avec deux paires anglaises en finale du mix, maintenant on se dit que ce serait vraiment impossible. Et du coup, c'est à la fois une époque proche, mais à la fois une époque révolue pour l'Angleterre, puisque à l'époque, c'était pas, on va dire, c'était une surprise de voir ces deux paires s'affronter. On va dire en finale, puisque c'était pas vraiment attendu, mais c'était quand même deux paires qui étaient tête de série 3 et 5 respectivement, donc c'est pas une erreur de parcours, une erreur de l'histoire, on va dire. Ça montre bien qu'à l'époque, il y avait vraiment un savoir-faire anglais en double, puisque Anthony Clark, cette année-là, il est hyper également en finale du double homme au Mondiaux. Et donc voilà, c'était, on va dire, une époque pas si loin, mais pourtant bien révolue pour l'Angleterre, et même un peu pour l'Europe, parce que le double mixte, maintenant, c'est chasse gardée de l'Asie et surtout de la Chine. Donc je voulais en parler parce que c'est vrai que maintenant quand on voit la liste des médaillés, on a peine à voir comment ça pourrait se reproduire, ce genre de choses. Bah ouais, t'en as très bien parlé et il me semble qu'on en avait parlé dans le 5 de légende de l'Angleterre de ces mondiaux même tout court, parce que Nathan Robertson, c'est vrai que tu fais bien aussi de dire que c'est pas non plus un one shot, c'est-à-dire que Robertson Helms, ils sont vice-champions olympiques 2 ans plus tôt. Enfin, ils sont vraiment installés dans le top 5 mondial quand même. Tu vois, c'est aujourd'hui, ça paraît improbable, une paire européenne qui s'installe dans le top 5 mondial durablement du mixte, tellement il y a un gap avec les paires asiatiques. Et pourtant, avec Jikel Delrue, je le souhaite, mais c'est vrai que à cette époque-là, on a vraiment les Britanniques qui sont au sommet de leur art en mixte. Et puis il y a cette demi, je crois, où ils sauvent des volants de match en plus. Enfin, c'est ouf, ce titre il est ouf, et il y a clairement le scénario en plus qui va dans leur sens et qui rend leur titre complètement mythique. Voilà, la finale est loin d'être la plus folle, puisque Robertson Helms ont gagné 21-15, 21-12 contre Clark et Kellogg, mais c'est plutôt pour la symbolique et le fait que maintenant on ait du mal à imaginer un scénario comme ça. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que effectivement maintenant on espère que la prochaine paire championne du monde européenne en mixte, ce soit Jikel Delrue, même si entre les deux il y a eu Leiborn Ritter Yule. Oui. Les Danois. Mais même si on l'espère beaucoup, on a du mal. Et surtout, une finale 100% européenne et surtout deux paires d'un même pays. Voilà. L'Angleterre a eu des paires de mix correctes. Hein. Ellie Smith, c'est top 10 mondial. Les Hadcock ont été top 10 mondiaux aussi. Mais de là à ce qu'on les voit s'affronter en finale des mondiaux, jamais de la vie. Non, c'est clair, jamais de la vie. On aurait pu imaginer les Hadcock en finale des mondiaux. D'ailleurs, ils ont une ou deux médailles. Mais aujourd'hui, déjà, imaginer une paire européenne sur un podium mondial ou olympique en mixte, personnellement, ça me semble lunaire. Il faudrait un alignement des planètes assez fou pour que ça arrive. Enfin, ça paraît improbable. Alors, deux paires de même pays, je t'en parle même pas. Même pour les Asiatiques, ça devient compliqué, hormis les Chinois. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose que t'as pas pu dire sur les mondiaux, peut-être des matchs ou des joueurs que t'as hésité à intégrer et que t'as pas pu finalement? Ouais, j'ai un petit coup de cœur parce que mon côté français, 2009, Hyderabad, peut-être que certains s'en souviendront. J'imagine, la seule médaille mondiale française sur des championnats du monde, bah c'était Ong Yan Phi cette année-là. Qui était au sommet de son art, je suis pas sûr, mais voilà, qui a quand même été chercher une médaille mondiale. J'en ai pas parlé parce que c'était peut-être juste une troisième place entre guillemets, mais voilà, sur ce podium mondial, elle est la seule joueuse non chinoise, même si ses origines, voilà, certaines diront qu'elle était un peu chinoise quand même. Il y avait trois joueuses chinoises à côté d'elle sur le podium, et rien que ça, c'était ouf de s'imaginer une joueuse européenne. Il y en a une d'autres. Mais pour la France, c'était quelque chose d'historique. Tout à fait. Ouais, moi, il y a pas mal de trucs dont je voulais parler, dont j'ai pas pu. C'est vrai que les titres danois, mais ça date plus, donc c'est des trucs que j'ai moi-même pas vécu, donc c'est moins fort. Notamment Peter Rasmussen qui gagne en simple en 97, deux ans après Camilla Martin qui gagne en simple dame en 99, donc. J'ai voulu parler aussi de Carolina Marin, mais j'avais déjà parlé d'Intanon avant, donc j'ai pas pu. Et j'ai hésité aussi à parler de Hassan Setiawan, très récent, le titre de 2019, qui est peut-être un des titres tout confondu qui m'a fait le plus plaisir, parce que Hassan Setiawan, quand ils étaient séparés, ça marchait plus, alors que pourtant ils ont eu des bons partenaires. Ils rejouent ensemble, on se dit, ah, ça va être pas mal, ils arrivent aux mondiaux, ils gagnent des matchs. Gideon Tsukamulio passe à côté. Il tombe contre Oki Kobayashi, qu'à l'époque, pas personne connaît, mais qui est vraiment une paire vraiment secondaire. Et finalement, ils battent pas les meilleures paires de la semaine, mais finalement, ils ont un titre qui a tellement de symbolique et qui les rend tellement légendaires que voilà, j'ai pas pu en parler, mais ce titre, parce que c'était un peu trop récent, je me dis, la plupart de nos auditeurs l'ont en tête, mais c'est quand même fou, quoi. Oui, bah bien sûr, ça aurait pu. On en parlait en off, mais ces mondiaux étaient pas dingues, mais. Enfin, nous, on les a pas trouvés dingues, mais la symbolique de certains titres, on aurait pu parler de Loki New, hein, peut-être dans 10 ans si 21 Shuttle existe toujours. Oui, deux ans plus tard, c'est vrai que Loki New, et on aurait pu en parler. Peut-être que dans 10 ans, le titre de Loki New, tu vois, ce sera dans nos trucs, dans nos plus grands faits marquants, et c'est fort probable, mais c'est vrai que. Forcément, le fait que ce soit très proche en date, on s'est dit que c'était peut-être pas des choses qu'on avait envie de souligner parce que c'était encore très frais pour tout le monde. Voilà, justement, c'est ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer. On se disait, bon, 2021, c'était après un enchaînement de beaucoup de tournois, les joueurs étaient fatigués, il y a eu des surprises et le niveau était peut-être pas le plus fou. Mais là, ça va être tout autre chose et Benoît, j'espère que. Si 21 Shuttle existe encore dans quelques années, on reparlera des mondiaux de 2022 parce que j'espère qu'on va avoir des trucs de fou. Bah ouais, on sait pas, mais on s'y prépare. On s'y prépare et on y croit très fort. J'espère que cet épisode vous a donné envie de vous intéresser aux prochains mondiaux et aux mondiaux passés. C'est vrai que nous, en tout cas, ça nous a été très utile avec Benoît, puisque même si on vous a pas parlé de tout, on s'est un peu replongé dans l'histoire des mondiaux en général, et donc ça nous a permis de se mettre l'eau à la bouche pour les prochains. Benoît, merci d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pas le lundi, mais on verra quel jour. En tout cas, on va vous sortir une preview des mondiaux comme on le faisait surtout avant pour les grosses compétitions. Donc on va vous dire les tableaux, on va vous donner nos favoris et voir si à la fin on s'est trompé ou pas, mais vous saurez tout ce qu'il faut suivre, les absents, les présents, vous saurez tout. Donc ça, c'est dans notre preview la semaine prochaine. Passez un bel été, que vous soyez en vacances ou au travail. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在经历着平凡？